Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. À la mort de Childebert IV, Dagobert dit le second, alors qu'il est le troisième si on inclut dans le comptage les rois austrasiens, devient roi. Son règne voit s'affronter dès 715 les Neustriens bourguignons, d'une part, menés par le maire du palais Raganfroy, un noble Neustrien allié du duc frison et païen, horreur pour les chroniqueurs, Rabod, contre les troupes de Théodehalde et de Plectrude. Plectrude, donc la veuve de Pépin de Hersalt, qui a désigné Théodehalde pour succéder à la fois à son mari Pépin de Hersalt et à son fils Grimoald à la mairie du palais, décide d'acheter la paix en payant une rançon aux Neustriens et aux Bourguignons, et ce qui lui permet de garder un certain pouvoir en Austrasie. Dagobert III meurt à 20 ans en 715 et est enterré à Choisy-au-Bac. Les Neustriens choisissent alors un descendant de Childéric II comme roi du Regnum Francorum. Ce descendant s'appelle Daniel. Il était destiné à la prêtrise. Il est donc tonsuré. On attend que ses cheveux repoussent pour le couronner. Il monte sur le trône sous le nom de Chilpéric II. Sous son règne, Charles Martel est miraculeusement libéré de sa prison de Cologne, comme disent les chroniqueurs. Il prend immédiatement les armes et tente une première négociation avec les armées de Chilpéric II et de son maire du palais, Raganfroy. Cette négociation se passe près de Liège. Elle est un échec. Une bataille s'ensuit. Vincy, 717. Malheureusement pour les chroniqueurs du frais des guerres, cette bataille s'est passée le troisième dimanche de Pâques. Malgré cette faute grave pour des chroniqueurs qui sont en général plutôt des membres de l'Église, Charles arrive à repousser ses adversaires jusqu'à Paris. Il revient en Austrasie, victorieux. Plectrude, sa belle-mère, accepte de lui rendre le trésor de son père. Et Charles Martel nomme comme roi pour remplacer Chilpéric II, qui a été pris en otage par le duc d'Aquitaine, Clotaire IV. Clotaire IV serait un fils oublié de Thierry III, ou peut-être un faux mérovingien. Chilpéric II, donc, en effet, a été pris en otage par Eudes, duc d'Aquitaine, qui pourtant était son allié, car Eudes, en prenant en otage Chilpéric II, espère décapiter le royaume franc et bloquer les institutions. Mais on voit bien que les Pépinides considèrent en réalité comme les Mérovingiens, comme des marionnettes dans leurs mains. Raganfroy, réfugié dans la ville d'Angers, est finalement vaincu par Charles Martel. Clotaire IV meurt à Choisy-au-Bac en 718. Il a 49 ans. Charles, qui occupe alors les fonctions de maire du palais, demande à Eudes, duc d'Aquitaine, de lui rendre Chilpéric II en échange de ne pas l'attaquer. Eudes, en effet, commence à rencontrer quelques difficultés sur sa frontière sud avec le royaume wisigoth qui tombe sous les coups des Sarrasins. Chilpéric régnera donc jusqu'en 721. Il reçoit notamment les hommages du duc de Provence, Moronte. Il sera considéré comme un roi pas si inactif que ça. Il tentera d'ailleurs de faire avancer les avantages des Mérovingiens et du royaume de Neustrie, mais sans y arriver vraiment. Il est enterré, certains disent à Noyon, d'autres à Soissons. Après lui règne Thierry IV. Élevé à Chelles, Thierry IV ne fera pas non plus grand-chose pendant son règne. Il signera quelques diplômes, confortera l'Église gallicane dans ses privilèges, notamment le diocèse du Mans, et mourra en 737 à 24 ans. Mais sous son règne, Charles Martel pourra enfin consolider son pouvoir. Et nous allons en parler d'ailleurs dans le prochain podcast. Merci et à bientôt.